la foule en délire. Tassés sur la piste, derrière mes cachemires, j'observe les amis tristes, qui tristes, qui tristes, tristes. Encore ce vieil air. Remember Mother Earth et ce sacré Walter qui part tout fou le feu, qui part tout fou le feu, the fire. Et tout dansing, je sais que tu es là. Retour dansing, ah oui, je ne te trouve pas. Mes amis mucho. Retour à l'instant.